France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. Au Chili, ils ont aidé une ONG à faire de l'eau avec du brouillard. À Santiago du Chili, on rencontre la dynamique Fernanda d'une petite ONG qui s'appelle FogQuest. Alors FogQuest, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande de frappadingues qui sont aperçus qu'avec des espèces d'énormes filets de badminton, on était capable de condenser le brouillard et d'en faire de l'eau potable. Alors il se trouve que sur la côte ouest du Chili, juste sur la côte, on a toute une zone qui est étonnante parce qu'elle est désertique, pas de précipitations, mais énormément de brouillard. Et donc ça se prête merveilleusement à l'installation de ce système. Il faut imaginer que dans cet endroit-là, les fermiers qui sont installés localement subissent un rationnement de l'eau qui est très important. Ils sont livrés par camion-citerne par l'État de manière mensuelle, mais avec des quantités qui ne sont pas forcément assurées et qui sont en tout cas bien inférieures à leur demande. Et du coup, il y a un gros intérêt de la part de tous ces fermiers pour s'équiper de ce merveilleux filet badminton qui permet de récupérer de l'eau potable. Donc ça s'appelle un attrape-brouillard. Et Fernanda, la directrice de FogQuest Chili, nous a dit « Les gars, vous êtes avec un petit avion, c'est l'outil idéal pour aller faire des modèles 3D de certaines zones et certaines vallées qui nous intéressent, où on pense que ça serait assez judicieux d'installer ce système d'attrape-brouillard. Et on va utiliser ces modèles 3D pour faire tourner ça avec des logiciels de dynamique des fluides et regarder quelles sont les zones les plus propices à la formation de brouillard pour corréler ça avec les demandes de nos fermiers afin qu'on mette en place des systèmes de récupération d'eau. » Donc c'était très très marrant à faire. Au-delà de l'aspect purement scientifique du truc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis sur place, on a rencontré pas mal de ces fermiers qui utilisent justement cette eau qui vient directement du brouillard, avec des choses impressionnantes. On est dans des endroits complètement désertiques. Et puis on a une mare avec un petit troupeau de chèvres, et puis une serre, et puis des arbres fruitiers. Et puis en fait, on vit en quasi-autonomie avec de l'eau qui vient uniquement du brouillard. Après le Chili, Clémentine et Adrien prennent la direction de l'Australie et les traditions sacrées des aborigènes. On en parle la semaine prochaine à la même heure.